Maintenant à 7h51, ce 7-9 interrompt le cours normal de ses programmes. La direction de France Inter a jugé en effet que l'heure était suffisamment grave pour rappeler à l'antenne deux de nos meilleurs experts. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute. Coûte que coûte. Anima sana. Incorpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Philippe. Et Margaret. De Beaulieu. Bonjour, bonjour Marga. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Quen. Bonjour Philippe. Docteur. Bonjour Patrick. Bonjour Marga. Arrête. C'est bien une petite diversion comme ça. C'est curieux quand même de s'appeler Quen quand soi-même on ne mange pas de porc. C'est Cohen. Non ? Pardon ? Cohen. Oui, justement, c'est bizarre. Bon, allez, tout ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Pardon. Enfin, rien à voir. Bon. Oui, alors. Donc, la fin du monde. Enfin. La fin du monde. Oh non, ben non, tu ne veux pas commencer. Ben non, mais je ne vais pas. Mais non, allez. Donc la fin du monde, enfin du monde tel que nous le connaissons. Eh oui, Marga, car quel monde tel que nous ne le connaissons pas? Eh oui, et à force de crier relou et de prédire des cataclysmes, eh bien ils vont finir par arriver ce soir. Eh oui, car voilà des millénaires, que dis-je, des milliers d'années, qu'on nous prédit l'apocalypse, et les dernières prévisions datent de 80, l'apocalypse biblique, en 99, le cataclysme millénaire, et en 2000, la destruction du monde par Satan du groupe Siderella, ex-Isozen, hein, tout le monde s'en souvient, et puis alors Paco Rabanne lui-même, qui avait annoncé une fin du monde imminente il y a une dizaine d'années. Oui, Paco Rabanne, qui, je le rappelle à nos auditrices, a mis l'humanité en danger en transformant les femmes en cibles vivantes, car il a créé les seules robes visibles depuis l'espace. Et oui, et alors je ne vous raconte pas quand elles ont en plus le malheur de se promener sur la muraille de Chine. Ouh là là ! Alors, bien sûr Patrick, nous ne nous attendons pas à une destruction type film d'anticipation, car le malin est plus malin. Et il ne prend pas l'apparence de ce terrible danger dont on pourrait se figurer, qui eh bien, ressemblerait à cet aspect horrible qu'il est censé, a priori, revêtir à seule fin, eh bien, ainsi grimé, de justement eh bien, de ne pas faire croire au danger qu'il représente sous couvert d'une soi-disant... Coûte que coûte. Hein. Comment ça? Non, mais je croyais qu'il... Ah ben non. Ah bon. C'est... Ben, et non. Alors oui, Philippe, bien malin, le malin, qui peut prendre, eh bien pourquoi pas, l'apparence d'un dirigeant aux rondeurs bienveillantes dont, service public oblige, nous tairons le nom. Et oui, ce nom qui évoque qu'il est tulipe, qu'il est sabot, qu'il a mimolette, qu'il est moulin, qui Amsterdam, qu'il est canot. Ah, attendez, vous pensez que nos dirigeants, ou notre principal dirigeant, serait dans quelque chose dans cette hypothétique fin du monde? Ah non, mais peut-être en tout cas inconsciemment. Oui. Alors, en tant que psychothérapeute et amoureuse des mots, je rappelle ce qu'est l'inconscient. Alors, l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Inconscient. Alors, scient qui sait tout, comme dans omniscient. Con qui ne sait rien. Donc, savoir sans savoir, faire ou dire quelque chose sans qu'on sache qu'on sait qu'on ne le fait pas par hasard. Oui, si le hasard existe. Oui, non. Ah, bon. Excusez-moi, Margaret, je n'ai pas tout bien suivi. Oui, non, mais c'est normal, c'est mon charabia scientifique, pardon, je vais vulgariser. Bon, alors, ouais, tu vois, quand il y a un mec qui dit une grosse connerie, il croit qu'il a pas fait exprès. Pourquoi tu parles comme ça, Margaret? Parce que je vulgarisais pour monsieur Cohen. Non, bon, enfin, en tout cas, non, je pense que Margaret voulait parler des actes manqués, oui, et de ce qu'on appelle les lapsus révélateurs. Oui, en tout cas, vous êtes convaincu que la fin du monde, c'est pour aujourd'hui? Oh bah, si vous croyez que le malin va nous lécher le choix, nous laisser le doigt dans le... nous laisser le choix dans la date. Je crois que j'y arriverai jamais. Bon, alors la fin du monde à quelle heure d'après vous? Oh bah quelle heure, ça on peut pas être aussi précis non plus, dans les 23h31, 23h35. Alors, je vous disais évidemment, ce ne sera pas un grand tremblement de terre ou un gigantesque raz-de-marée, hein, peut-être un tsunami du marais. Par contre, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en autorisant les invertis à s'unir devant Dieu et les mères, eh bien c'est la famille qu'on tue. Comment ça? Ah ben, quand il y a un mec qui est avec un autre mec, puis quand il y en a un qui fait la femme... Non, bah... c'est pas, on n'a pas besoin de vulgariser. De vulgariser. Tout le monde aura malheureusement bien compris qu'avec ce genre d'union, nous courons au désastre. Et oui, car je rappelle que deux personnes du même sexe ne peuvent pas fabriquer un être humain, ni même un animal, mais ça c'est valable aussi pour les gens normaux. Eh oui, car on aura beau unir les chiens et les chats, pour faire un petit garçon ou une petite fille, le papa devra toujours éjaculer soit sur un chou, soit sur une rose. Eh oui, soit dans une cigogne. Ah, la nature est bien faite. Et à force de la malmener, elle va nous le faire payer sa race, comme disent nos ados. Pourquoi? Ben parce qu'ils disent ça. D'accord. Bon, voilà. Voilà. Donc oui, nous pensons effectivement que le mariage pour tous est la menace suprême pour notre planète. Oui. Enfin bon, en même temps, ces mots n'engagent que moi, Monsieur Cohen. Oui. Ou devrais-je plutôt dire Monsieur Cohen? Bah oui, c'est mon nom. Oui. Eh ben c'est bien, très bien. C'est comme ça que ça se prononce, hein. Eh ben oui, bah tant mieux. Ben voilà, ben c'est voilà. Très bien. Je vous trouve quand même très... Oui. Bah non. Ah si, voilà, vous voyez. Voilà. Non. Voilà. Bon, écoutez, alors en tout cas, merci Patrick pour votre appel. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Ouais. Non, c'est moi qui vous ai invité. Oui, si vous voulez. Ben je veux rien, c'est comme ça. Oui, oui, je veux rien, c'est comme ça. Mais voilà, au revoir. Monsieur Cohen. Monsieur Cohen. À bientôt. Ah ben non. Au revoir, Margaret et Philippe de Beaulieu.